France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Marc Floriot, bonsoir. Voici aujourd'hui les troisième et quatrième volets d'une série de 10 présentés par Patrice Galbeau. Golda Meir se raconte et raconte pas à pas la naissance d'un État qui doit devenir comme les autres, je cite, dans les temps qui seront les siens. Des profondes racines du sionisme, la destinée de celle qui, venue d'au-delà du Caucase, deviendra la grand-mère d'Israël, Israël au sens national, se déploie peu à peu dans les méandres d'une histoire qui ne croit trouver meilleure expression que dans la réalisation d'une société dont le socialisme refond le droit divin. L'État et son gouvernement en sont l'expression, quand bien même tout reste à bâtir, du peuple défini à un État en passant par une république parlementaire, du politique donc, mais dont les sources d'inspiration ne seront pas sans provoquer quelques torsions. Aujourd'hui, les deux volets diffusés la première fois, les 14 et 15 décembre 1977. Dans la série « Les grands contemporains », Patrice Galbeau propose « Entretien avec Golda Meir ». Anybody that doesn't have dreams of great things can't do anything. The first thing you have to dream and to have the courage for dreaming something that seems impossible. Avec Eliaou Ben Elissa, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Anybody that doesn't have dreams of great things can't do anything. The first thing you have to dream and to have the courage for dreaming something that seems impossible. Si on ne rêve pas à de grandes choses, on ne les accomplit pas. Il faut rêver avant tout et même avoir le courage de rêver de choses impossibles. And his axe was made of burning gold. Lors d'un de vos voyages aux États-Unis en 1948, vous avez réuni 50 millions de dollars. C'est une somme énorme. Comment l'avez-vous obtenue? When you went to the States in 1948, you got a lot of money there. 50 millions of dollars. How did you make it? I asked for it. I asked for it and Jews gave it. Because Jews realized then the danger that we were in. With all the Arabs around us, so many, and armies, and with arms. Je les ai demandés, et les Juifs me les ont donnés parce qu'ils ont réalisé le danger mortel que nous courions, encerclés par les Arabes, toutes ces armées, tout cet armement autour de nous. We had nothing. We had... When the war of liberation, when we were attacked, all the Jewish community had, all over the country, was 14,000 rifles and hand grenades. Nous n'avions rien au moment où on nous a attaqué. En tout et pour tout, 14,000 fusils et des grenades à main. They had tanks, they had planes, they had artillery, they had everything. Eux avaient des tanks, des avions, de l'artillerie, ils avaient tout. And the Jews, of course, realized that if... And nobody was sending us arms. Et bien entendu, personne ne voulait nous vendre des armes. Nobody wanted to sell us arms. Now I don't care. It's no secret anymore. We bought the arms illegally, not in the United States. We could buy arms if we had a lot of money. And we needed a lot of money. And that's what I told the Jews. Maintenant, cela n'a plus d'importance, je peux le dire. Nous avons acheté nos armes aux Américains de façon tout à fait illégale. Et nous avons pu le faire parce que nous avons eu tout cet argent que j'ai obtenu tout simplement en disant la vérité aux Juifs américains. And I remember telling at one big meeting in New York at that time, I told the audience, you cannot decide whether we should fight or not. That we decide. Je me rappelle, il y avait un grand meeting à New York. Je me suis adressé à cette foule et je leur ai dit, ce n'est pas à vous de décider si nous allons nous battre ou non. Cela, c'est nous qui le décidons. And we have taken our decision to the very last man, woman or child. But what you can decide is whether we should win the war or not. That decision you have to take now. Et notre décision est prise, du plus jeune au plus vieux d'entre nous. Mais ce qu'il est en votre pouvoir de décider, c'est si nous gagnerons cette guerre ou non. Et cette décision, vous devez la prendre maintenant. And if you will enable us to get the arms that we need, I believe we will win the war. Si vous nous aidez à acheter les armes dont nous avons besoin, je crois que nous gagnerons la guerre. And then you have to choose. Either have a big meeting in Madison Square Garden as a memorial meeting over the dead Jews in Israel or Palestine then, or you can have a big celebration that we have won the war and we have a Jewish state. So they decided and they gave me the money. Vous avez le choix. Ou vous serez amené à faire une grande cérémonie à Madison Square Garden à la mémoire des Juifs morts en Palestine, ou vous organiserez une grande fête pour célébrer notre victoire et la fondation d'un État juif. Voilà. Ils ont décidé et ils m'ont donné l'argent. You build these altars now to sacrifice our children. You must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. Who stand above them now, your hatchets blunt and bloody. À chacun de vos voyages aux États-Unis, vous rencontrez les communautés juives. Est-ce une des raisons de l'influence qu'ont les juifs américains sur le président Carter? Each time you've been going over there, you did meet Americans of Jewish communities. Do you think that's the reason why they have such power on President Carter? Well, look, there are millions of Jews, not all of them are... live with Israel, but many of them do, the organized Jewish community does, and they're very anxious about what is happening in Israel. They are American citizens, but they are also Jews, and they're very much interested in Israel, and very sensitive to anything that may happen to Israel, and they're in a democratic country, and in a democratic country like the United States, you can tell the president what you think of his policy. And they do. La communauté juive américaine est très attentive à tout ce qui se passe en Israël. Ce sont des citoyens américains, mais ce sont aussi des juifs. L'avenir de notre État les inquiète. L'Amérique est un pays démocratique, et dans un pays démocratique, on a parfaitement le droit de dire au président de la République ce qu'on pense de sa politique. C'est ce que font les Juifs américains. Et en Israël, on peut dire tout ce qu'on pense? In Israel, too. You can say what you want. Everybody can say in what Israel? You want. No. Oh, and how? Et comment? C'est ce que fait le professeur Leibovitch, qui a eu, il y a peu de temps, je crois, une conversation avec vous. So I saw yesterday in Jerusalem, Mr. Leibovitch, that you know. He said you met him, you had a long conversation with him. Leibovitch? Yeah. Ah. Leibovitch? Oui. He remembers? Okay. Yes. It sounds very strange, what he said. Il s'en souvient? Parfait. Que dit-il? Des choses assez surprenantes. La grande victoire de la guerre de six jours, c'est le commencement de la chute de l'État d'Israël. Le déclin de l'État d'Israël. L'évacuation des territoires... avec 1,5 million d'Arabes, c'est une question de vie et de mort pour l'État d'Israël. Et j'espère que Carter nous forcera d'évacuer les territoires. Vous avez dit tout à l'heure qu'Israël n'avait plus d'amis dans le monde. Pensez-vous que, je ne vous parle pas des hommes politiques, mais pensez-vous que le peuple français soit ami d'Israël? Je crois que l'opinion publique dans tout le monde regarde Israël comme un élément de disturbing, troublant la paix de la monde, parce que l'État d'Israël cesse d'être une affaire du peuple juif et devient une affaire d'un régime qui maintient son pouvoir sur des juifs et des non-juifs. Et un État dont les intérêts ne sont pas la domination d'un autre peuple. Ce n'est pas seulement un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Quels sont les intérêts de cet État? Les intérêts du peuple juif pour l'intérêt de la domination de notre peuple. Mais la ville même de Jérusalem où nous sommes aujourd'hui a été séparée en deux à un moment. Mais si cela se reproduisait, vous pensez que c'est aussi une solution? Ce n'est pas une solution, mais peut-être que c'est une nécessité. Berlin, est-ce que vous pensez que la situation de Berlin est une solution? Mais aujourd'hui, c'est une nécessité. pour les dernières 32 années, nous n'avons pas une troisième guerre mondiale parce que l'Allemagne et la ville de Berlin sont divisées. Et ce pays, pour nous, est le pays d'Israël, et pour les Arabes, c'est Palestine. Il faut la diviser entre les deux peuples. Pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas un problème de justice, ce n'est pas un problème de droit, mais c'est la nécessité cruelle. Pour que Israël demeure Israël. Et pour éviter la nécessité d'une cinquième guerre, une sixième guerre, une septième guerre. Et si les choses ne se passaient pas comme vous le dites, vous pensez que pour les Juifs dispersés dans le monde, Israël perdrait de son pouvoir? Je le crains. Vous voyez des jeunes Israéliens, des jeunes garçons, des jeunes filles? Oh, certainement. Dans l'ensemble, pensent-ils comme vous? Certainement, il y a des gens qui pensent comme moi. Et il y a des gens pour qui la grandeur et la gloire de l'État est la valeur suprême. Professor Leibovitch is a very, very learned person. He's a professor of chemistry, and the students love him. He's a wonderful, wonderful teacher, and he's a philosopher. And le professeur Leibovitch est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est un grand savant, et les étudiants l'aiment beaucoup. C'est un très remarquable professeur et c'est un philosophe. But there are many things where I think he's the only one in the country that thinks like that. He's entitled to do it. Mais dans bien des domaines, je peux vous dire qu'il est bien le seul dans tout Israël à penser comme il le fait. Il en a d'ailleurs le droit. Now, I can agree with him only to a certain extent. For instance, one of the reasons in opposition to the government today, but all governments that were there before, we were for territorial compromises also on the Western Bank. Not 67 borders. Nobody accepted 67 borders. And for two reasons. One, in order to make it possible to make peace with Hussein. Another reason is that I didn't want and do not want to add about a million Arabs to Israel. Voici mon opinion. Nous avons eu des gouvernements favorables à des compromis territoriaux dans l'espoir de faire la paix avec Hussein. Quant à moi, je ne veux pas et je n'ai jamais voulu qu'il y ait 1 million d'Arabes en Israël. I don't want a binational state. I'm opposed to what Professor Leibovitch says, that no Arab can live, we must be only Jews. That I don't accept. We have an Arab minority, they're about 13%. I'm not speaking now of the Western Bank and of Gaza, but I'm speaking of the 48 borders, the 67 borders. We have about 13% of non-Jews here, Arabs and Druze and so on. Perfectly all right. They're good citizens, most of them. I don't know, maybe some are not, but generally they've been loyal to the country, and there's no reason why they shouldn't live in the Jewish state. Jews live in every other state and all over the world. Je ne veux pas d'un État binational, mais des Arabes peuvent parfaitement vivre en Israël. Ceux qui y vivent actuellement sont de parfaits citoyens pour la plupart. Les Juifs vivent bien dans d'autres pays à travers le monde. Pourquoi des Arabes ne vivraient-ils pas en Israël s'ils sont loyaux? So, Professor Leibovitch is a very, very extreme. Also in his ideas about what a state is and many, many ideas that he's the only one that has. But it's always interesting to listen to him. Although you don't agree with him, but it's always interesting to listen to him. But he's very extreme and formalizes things in a very extreme way. But I certainly do not accept his program. No. Le professeur Leibovitch a des idées excessivement extrêmes sur ce que peut être un État. Mais c'est toujours intéressant de l'entendre, mais il exagère. En tout cas, il est bien le seul de son avis et je n'accepte pas son programme. Ce qui étonne chez Golda Meir, c'est son calme. Manifestement, les propos du professeur Leibovitch ne lui plaisent pas du tout, mais elle ne le montre pas. Le regard seul devient plus froid. Lucella, vous l'avez vue en colère parfois? Ah, ça oui, mais rarement. Elle garde ça à l'intérieur. Vous connaissez bien sûr Louise Weiss, et que j'ai vu il y a quelques jours avant de venir en Israël, et Louise Weiss souhaitait que je pose une question à Golda Meir. Vous qui êtes une barre de fer, quand pensez-vous que la barre de fer doit s'assouplir? Est-ce que cette expression, une barre de fer, vous paraît exacte? Non, c'est trop fort. Pour Golda, c'est... Une barre de fer n'est pas de faiblesse, elle en a, elle. Qu'elle reconnaît du reste. Peut-être pas facilement, non. Elle sait quand même, non, elle a des faiblesses. Elle est entêtée. Elle peut appeler ça... être barre de fer, je ne sais pas, moi je trouve pas. Je trouve que c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas d'accord pour certaines définitions, elle et moi. Pour bien des choses, nous ne sommes pas d'accord. Ce qui n'empêche pas du tout notre amitié. J'ai rarement vu une personne aussi obstinée qu'elle. Jacob Tsour. Quand quelque chose lui entre dans la tête, très difficile de l'en sortir. Et je dois dire qu'en général, elle a raison. Maintenant, le point le plus dramatique de sa carrière, c'était sa rupture avec Ben-Gourion. J'étais là, à la conférence du mouvement ouvrier à Tel Aviv. Il y avait 4 ou 5 000 personnes dans la salle. Et Goldin, qui était plus qu'une admiratrice de Ben-Gurion, elle le suivait aveuglément pendant toute sa carrière. À cette occasion-là, dans cette salle à Tel Aviv, elle a prononcé un terrible réquisitoire contre Ben-Gurion. Et c'était uniquement parce que Ben-Gurion a provoqué une scission du parti. C'était un discours impressionnant. Et rien n'a tellement influencé Ben-Gurion comme ce discours-là. Et pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, que c'est depuis ce jour que Shimon Peres est un adversaire de Golda Meir? Non, il n'est pas un adversaire de Golda Meir, mais il avait suivi Ben-Gurion dans cette scission. Et cela, elle n'a jamais pardonné. Il y a eu, on le sait, rupture entre Golda Meir et Ben-Gurion, les deux créateurs de l'État d'Israël. Une rupture particulièrement douloureuse. Les héritiers spirituels de Ben-Gurion sont, bien évidemment, les adversaires de Golda Meir. Parmi eux, Shimon Peres, leader de l'opposition. Monsieur Peres, deux figures légendaires d'Israël sont Ben-Gurion et Golda Meir. En quoi sont-ils différents et que représentent-ils pour vous ? Un père et une mère. Mais il y a toutes les différences. Peut-être qu'il existe entre un père et une mère. Les pères, en principe, sont approches plus intellectuelles et toujours vers le sujet, plus que vers le peuple. C'est la mère qui a toujours l'intérêt plus humain vers l'individuel, vers la personne. J'ai beaucoup d'admiration pour Madame Meir, évidemment. Monsieur Ben-Gurion était une personnalité extrêmement rare qui combinait dans son personnalité des choses qui sont complètement contradictoires. Une tête intellectuelle extrêmement brillante. En principe, les intellectuels sont les personnes qui vivent dans le doute, toujours avec les questions, moins avec les réponses. Dans les autres côtés, le même Ben-Gurion était une personne avec un caractère extrêmement fort, qui aimait les décisions, qui a toujours une opinion, qui était, si vous voulez, politiquement et intellectuellement, toujours marié avec une vie définitive sur chaque problème. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Shimon Peres, Jacob Tzur. Avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. I don't want a binational state. We have an Arab minority, they're about 13%. I'm not speaking now of the Western Bank and of Gaza, but I'm speaking of the 48 borders, the 67 borders. We have about 13% of non-Jews here, Arabs and Druze and so on. Perfectly all right. They're good citizens, most of them. I don't know, maybe some are not, but generally, they've been loyal to the country, and there's no reason why they shouldn't live in a Jewish state. Jews live in every other state all over the world. Je ne veux pas d'un État binational, mais des Arabes peuvent parfaitement vivre en Israël. Ceux qui y vivent actuellement sont de parfaits citoyens pour la plupart. Les Juifs vivent bien dans d'autres pays à travers le monde. Pourquoi des Arabes ne vivraient-ils pas en Israël ? S'ils sont loyaux. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. You're interested in something, you manage it. It doesn't mean that it's easy. You suffer a little bit, your children suffer a little bit, your husband suffers, but all in all, it makes a life of interest. Avec Eliaou Ben-Elissa, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kada, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Maier, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Look, if you're interested in something, you manage it. It doesn't mean that it's easy. You suffer a little bit, your children suffer a little bit, your husband suffers, but all in all, it makes a life of interest. Si une chose vous passionne, il faut bien la faire. Ce n'est pas toujours facile. J'en ai souffert souvent, mes enfants aussi, mon mari aussi. Mais c'est le sel de la vie, n'est-ce pas? Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine prit fin. Le 14 tombant un samedi, la séance de l'Assemblée provisoire eut lieu le vendredi soir à 16h pour respecter le sabbat. La cérémonie au cours de laquelle Ben Gurion annonça la naissance de l'État juif de Palestine, qui portera le nom d'Israël, fut empreinte d'une très grande simplicité. Le lendemain, le président Truman stupéfia le monde en reconnaissant de facto le nouvel État. Trois semaines plus tard, Golda Meir était nommé ambassadeur à Moscou. Cette proposition ne lui fit pas le moindre plaisir. À tous ceux qui la félicitaient, elle répondit « Nous avons un État, nous avons attendu assez longtemps pour cela, et bien je veux y habiter, je ne tiens pas du tout à en être éloigné de milliers de kilomètres. » Lou Kadar, vous savez tout sur Golda Meir, puisque vous l'avez accompagné partout à travers le monde. Dans quelles conditions s'est déroulée cette première ambassade? Les conditions étaient tout à fait différentes de ce que sont des conditions normales. Et établir une ambassade ou une légation dans un pays qu'on ne connaît pas, la première ambassade, lorsqu'on part d'un pays qui vient d'être créé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans ces conditions-là. Et nous étions dans ces conditions-là. Nous ne connaissions rien du tout à la vie diplomatique, nous ne connaissions pas la plupart des gens que nous allions rencontrer. Nombre d'entre nous, des membres de la légation, ne savions pas le russe, et nous ne nous connaissions pas tous. Une autre chose, comme nous étions extrêmement pauvres, enfin, comme d'habitude, mais surtout à cette époque-là, il avait été décidé et accepté par tout le monde que nous ne serions pas payés. Il était entendu que nous serions logés, et que nous serions nourris, et que des cigarettes nous seraient distribuées. À part ça, et nous avions tous accepté. Mais nous avons vu dès le début que ce serait extrêmement difficile de s'arranger comme cela. Par exemple, nous habitions à l'hôtel, à Moscou. Nous avions tous des chambres, et le gouvernement soviétique nous avait préparé aussi, dans le même hôtel, une salle à manger pour nous. Mais au bout de la première semaine, Madame Meir nous a tous appelés, une conférence générale, comme dans un kibbutz, et nous a dit, je dois vous annoncer quelque chose. Et nous avons reçu la note des frais de cette semaine à l'hôtel. Nous n'allons pas pouvoir continuer comme ça. Comme nous avons tous besoin de nos chambres, nous allons les garder. Mais à partir d'aujourd'hui, nous n'allons avoir qu'un repas par jour. Nous déjeunons tous les jours ensemble. Le vendredi, nous ne déjeunerons pas, nous dînerons ensemble, parce que c'est l'entrée du sabbat. Et pour le petit déjeuner et pour le dîner, il faudra que je pense à quelque chose, mais il n'est pas question que nous le prenions à l'hôtel, parce que nous n'avons pas l'argent pour cela. Alors naturellement, on a accepté, on n'avait pas le choix non plus. L'idée de Madame Meir, c'était d'acheter en ville des instruments électriques, des casseroles électriques, des bouilloires électriques, les distribuer dans toutes les chambres, et donner la possibilité aux gens de faire la cuisine eux-mêmes, le petit déjeuner par exemple et le dîner. Et lorsque elle distribuerait également à tout le monde, selon le nombre de personnes par chambre, parce qu'il y avait des gens qui étaient mariés, qui avaient même des enfants, distribuer des aliments qu'elle irait acheter elle-même, ou en général c'était avec moi qu'elle y allait, c'était toujours avec moi qu'elle y allait, dans des marchés. Il y avait des marchés à Moscou, et nous avions pris nos renseignements, nous savions qu'il y avait le marché des kolkhoz, qui était le meilleur marché, le mieux achalandé, et c'est là que nous allions, par des froids de canard, à 7h du matin, pour acheter des fromages, du pain, du saucisson, enfin des choses comme ça, que nous distribuions ensuite à chacun, selon les besoins de la famille. Nous avons aussi remarqué que, si nous voulions nous mêler un peu, pas à la vie du pays, ni à la vie de Moscou, mais à la vie en tout cas du corps diplomatique. Il y avait des activités auxquelles nous devions absolument participer. Par exemple, aller au concert et surtout aller au ballet. Le corps diplomatique ne parlait que des ballets et nous étions comme des imbéciles. On ne savait pas qui était la première ballerine et qui était le danseur le plus fameux parce que nous n'avions pas l'argent. Au bout d'un mois, j'ai pensé que c'était... Ça n'allait pas, c'était impossible de continuer dans ces conditions-là. Et alors j'ai demandé à quelqu'un qui était le chef du bureau, je lui ai raconté tout ce que j'avais sur le cœur à propos de ce manque d'argent, et il a trouvé que j'avais raison. Il y avait aussi des enfants, des petits. On ne pouvait pas les garder toute la journée là comme ça. Les mettre au jardin d'enfants, c'était aussi un peu difficile, ces gosses ne parlaient que l'hébreu. Mais il y avait des théâtres de marionnettes, il y avait toutes sortes de choses auxquelles on aurait pu amener des enfants si on avait eu un peu d'argent. Mais comme il n'y avait pas de salaire, alors il n'y avait pas d'argent. Alors aussi, on a décidé comme ça, on a apporté l'idée à Madame Meir qu'il fallait absolument faire un arrangement pour que chacun ait un peu d'argent, un minimum, pas des salaires, de l'argent de poche. Elle a un peu réfléchi à la question, ensuite elle a été d'accord et... Elle a très gentiment réglé ça. Il a été décidé que chacun, elle compris, et le chauffeur israélien compris, recevrait la même somme comme argent de poche par mois, et les enfants recevraient la moitié. Alors avec ce peu d'argent, nous avons réussi à aller chez le coiffeur de temps en temps, et au théâtre de temps en temps, et voilà. Comment a été l'accueil des Russes ? Cordial. Au début, gentiment. Ils avaient préparé l'hôtel pour nous. Je crois qu'ils ont été avec nous comme ils ont été pour tout le monde. Nous ne savions rien du tout des choses diplomatiques, des visites diplomatiques, etc. Au lieu de nous aider, comme nous pensions qu'ils allaient le faire, ils nous ont dit que non, il y avait le doyen du corps diplomatique dont c'était la tâche de mettre au courant les nouveaux arrivés qui ne savaient rien. Mais à l'époque, le doyen du corps diplomatique, c'était l'ambassadeur de Chine. Mais alors, à la fin de 48, c'était la Chine de Chiang Kai-shek. L'ambassadeur de Chine et tous ses acolytes étaient extrêmement gentils, seulement ils ne parlaient surtout que le chinois. Et alors ça, c'était une des rares langues que nous ne savions pas. Entre nous, à la légation, je crois qu'on parlait 49 langues. Mais le chinois n'était pas parmi elles. Alors c'est moi qui ai dû me débrouiller avec les Chinois, pensant qu'en sachant le français et l'anglais, je me débrouillerais avec eux. Enfin, on a surtout beaucoup rigolé ensemble, parce qu'eux s'amusaient follement, parce qu'ils ne comprenaient absolument rien de ce que je disais. Moi, je ne comprenais pas non plus ce qu'ils disaient. Mais enfin, ensuite, d'autres membres du corps diplomatique qui nous étaient sympathiques nous ont aidés. Et après, vous êtes entrée en Israël avec Golda Meir, bien sûr. Non. Elle est revenue au bout de 6 mois, parce que ce qu'elle faisait à Moscou ne l'intéressait absolument pas. Et elle a été rappelée ici par le premier ministre d'alors, M. Ben-Gurion, qui lui proposait d'être membre de son cabinet. Et ça, pour elle, c'était infiniment plus intéressant que de rester à Moscou et d'aller surtout à des cocktail parties, etc. Monsieur Jacob Tsour, vous avez été, vous aussi, ambassadeur d'Israël pendant de longues années. À cette époque dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire aux environs de 1948, vous avez beaucoup vu Golda Meir? Puis je l'ai souvent connue comme ambassadrice à Moscou. Je me rappelle, c'était à Paris, en 1948, quand je suis parti pour mon premier poste diplomatique en Amérique du Sud. Elle est venue de Moscou, où elle était déjà ambassadeur en titre. Elle a été ambassadeur numéro 2 de l'histoire d'Israël. Moi, j'étais numéro 4. Et si vous vous souvenez, l'Assemblée de l'ONU siégeait alors au Trocadéro, cette session interminable. Elle est venue de Moscou et nous étions assis dans une maison d'amis. Nous savions très peu ce que c'était que la vie des Juifs de Russie. Et elle nous a décrit pour la première fois comment elle a visité la synagogue de Moscou, sa rencontre avec les Juifs, l'enthousiasme des Juifs qui ont rompu tous les interdits du régime pour s'approcher d'elle, et pour lui chuchoter à l'oreille « Golda, notre Golda ». C'est un récit qui s'est prolongé longtemps dans la nuit et c'est une des choses dont je me souviens le plus dans mes contacts avec Golda Meir. Admoti, Madame Meir, je voudrais revenir à votre vie politique en Israël. Vous avez occupé de nombreux postes. Quel a été celui qui vous a donné le plus de joie? Ministry of Labor. Ministre du Travail. Why? Ah, that's a wonderful ministry. You do something. You build. In the Ministry of Labor, you don't talk, you do. And I was in a very difficult period in the Ministry of Labor. It was 49, 56. Big immigration. No houses, no work. Parce qu'on travaille vraiment là. On fait quelque chose. Au ministère du Travail, on ne parle pas, on agit. J'ai eu ce portefeuille à une période extrêmement difficile de 49 à 56. Une immigration très importante, pas de logement, du chômage. And hundreds of thousands of people coming in, and you have to do something with them and put them somewhere, and build new towns and try to get the industry and work for them. Des centaines de milliers de gens qui arrivaient, il fallait faire quelque chose pour eux, les installer, construire des villes nouvelles, créer des industries pour leur donner du travail. But it was a wonderful thing. It was a very difficult job with a lot of heartache, people unemployed and so on. But housing was then also in the Ministry of Labor. At the end of the day, I knew that not only what did I say about things, but what did we accomplish? I didn't build the roads, I didn't build the houses, but we had something. Every day meant that we did something. And we weren't dependent upon anybody outside of Israel to tell us yes to build or not to build. Of course, we needed money. Mais c'était merveilleux de s'occuper de tout ça. La construction des maisons faisait partie de mon travail. Et chaque soir, je savais que quelque chose se réalisait, que ce n'était pas seulement des mots. Chaque jour se construisaient des logements, des routes, et nous ne dépendions de personne à l'étranger pour nous dire s'il fallait construire ou non. Bien sûr, il fallait de l'argent, il fallait en trouver. But the wonderful and I had an excellent staff of people. To this day, we remain very intimate friends, all of us. And that's... I always was sorry that I had to leave the Labour Ministry. Mais ça a été une période magnifique. J'avais une équipe formidable. Nous nous entendions à merveille. J'ai toujours beaucoup regretté d'avoir quitté ce ministère. I have more joy in the Labour Ministry than the Foreign Ministry or in the Prime Minister's office. J'y ai connu beaucoup plus de joie que comme ministre des Affaires étrangères ou comme Premier ministre. On m'a dit que vous vous rendiez souvent sur les chantiers pour voir, entre autres, si les cuisines étaient assez grandes. C'est vrai? For everybody. For every family it's important. And not all of the architects or the engineers liked it. And the man in charge of the budget in the Ministry of Labor also didn't like it. Bien sûr, c'est très important une cuisine. Et tous les architectes ou tous les entrepreneurs ne le savent pas. Et le responsable du budget au ministère du Travail ne le savait pas non plus. They'd say every time Golda goes out on a trip, another $1 million, another $5 million, pounds, because there were things. On disait, chaque fois que Golda va sur un chantier, ça coûte $1 million. Je faisais toujours rajouter quelque chose. People have to live in the house. And sometimes a little thing is important, whether life is easier or life is more difficult. It can cost another pound to do something in the kitchen or so on, but it makes life easier for the people. Oh, it was a lot of fun. Les gens vivent dans leur maison, tous les détails sont importants. Il suffit parfois d'un détail pour rendre la vie plus facile ou plus rebutante. Ça coûtait peut-être $1 million pour agrandir les cuisines, mais ça a rendu la vie des gens plus agréable. Oh, ça me plaisait bien tout ça. Bien des femmes françaises se demandent comment vous avez pu être une mère, une grand-mère si attentive et une femme politique tellement occupée. Cela a dû être très difficile parfois. Look, I'm sure there are many French women that work. Not so hard, maybe. Maybe hard. And there are French women in politics. You have, I met a wonderful person, your minister of health. She's a woman. Simone Veil. Yes. Yes. Lovely impression. She was here. Écoutez, je suis persuadée que bien des Françaises en font autant. J'ai rencontré une femme merveilleuse, le ministre de la Santé, Simone Veil. Elle travaille beaucoup. Elle m'a fait une impression tout à fait remarquable. And you have artists, and you have poets, and authors, and writers, and if you're interested in something, you manage it. It doesn't mean that it's easy. You suffer a little bit, your children suffer a little bit, your husband suffers. But all in all, it makes the life of interest. Si une chose vous passionne, il faut bien la faire. Non, ce n'est pas toujours très facile. J'en ai souffert souvent, mes enfants aussi, mon mari aussi. Mais c'est le sel de la vie, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il vous arrivait de travailler 20 heures par jour. Not every day, 20 hours. Yes, sometimes 24 hours or something. Fantastic worker, do you fear it? If I have a job to do, I do it. I can't have a job and not do it. Pas tous les jours. Parfois 24 heures. Quand il y a un travail à faire, il faut le faire jusqu'au bout. Il est impensable de ne pas accomplir sa tâche. Quand vos enfants et vos petits-enfants étaient jeunes, ils comprenaient ce que vous faisiez. Vous leur parliez politique, vous leur expliquiez ce que c'était. Ils discutaient avec vous. Oh yes. Well, it depends about what age. When my children were small, they weren't very happy that I was away from home so much. As they grew older, they understood. Ah oui, cela dépendait de leur âge, évidemment. Mais quand mes enfants étaient petits, ils n'étaient pas toujours très contents de si peu me voir à la maison. En grandissant, ils ont compris. And of course, we talk about everything at home. And I'm very happy that my children, my grandchildren, we sometimes have discussions, but the general political ideology, we're in one. Oui, bien sûr, nous parlions de tout devant eux. Maintenant, il nous arrive de discuter âprement, mais notre idéologie est la même. Nous ne faisons qu'un. Je disais hier à quel point le calme de Golda Meir était impressionnant. On imagine même que, parfois, elle doit pouvoir être assez implacable. Mais ça n'empêche certainement pas de ressentir très violemment certains événements. Danielle Mayer, vous qui la connaissez depuis longtemps, vous l'avez vue troublée parfois? Il y a chez elle un sentiment d'émotion, une possibilité émotive qu'il est difficile de rencontrer chez quelqu'un d'autre. Elle est exactement le contraire du blasé. Je déteste le mot blasé, d'ailleurs. Elle est exactement le contraire de cela. Je me souviens d'une fois où nous déjeunions chez elle, à Tel Aviv. Il y avait eu un incident à une frontière et elle avait fait prendre des nouvelles d'un jeune garçon qui avait été blessé. Et dans le milieu du repas, on l'appelle au téléphone, elle s'y rend, elle revient, le garçon était mort. Elle est revenue, les larmes aux yeux, vraiment les larmes aux yeux. Et son repas était pour elle achevé, encore qu'il fût au milieu. Elle n'a plus mangé, c'était une émotion extraordinaire de sa part. Alors, pouvoir conserver à travers tous les postes qu'elle a eus, tous les dangers qu'elle a courus, toutes les tristesses venant contrecarrer les espérances qui ont été les siennes, pouvoir conserver une telle émotion, une telle chaleur humaine, pouvoir s'intéresser à l'individu humain, je crois que c'est une caractéristique fort rare de notre temps. J'ai enregistré il y a peu de temps une série d'entretiens avec le président Léopold Sédar Senghor, que vous connaissez bien, Madame Meyer, et je lui ai demandé si la politique et la poésie faisaient bon ménage. Il m'a dit que oui, bien sûr, et qu'il y avait même une part de poésie dans la politique. Poetry is very important, the music is very important. These are parts of one's cultural life. But Senghor is lucky, he's a poet, I'm not. I love poetry, but I don't write poetry. La poésie est importante, certes, la musique aussi. Elles font partie de l'univers culturel de chaque individu. Mais Senghor a de la chance. C'est un poète, pas moi. J'aime la poésie, mais je n'en écris pas. Vous rêvez? But you dream. I dream, of course. Nobody... Anybody that doesn't have dreams of great things can't do anything. The first thing you have to dream, and to have the courage for dreaming something that seems impossible. And only then, if you have that courage to dream about what seems to be impossible but important, then you can try and implement it. Person that has nothing in his mind doesn't do anything. So. Bien sûr, je rêve. Si on ne rêve pas à de grandes choses, on ne les accomplit pas. Il faut rêver avant tout, et même avoir le courage de rêver de choses impossibles. Alors si on a eu le courage de rêver à des choses impossibles, il faut tenter de les réaliser. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête ne peut rien faire, c'est tout. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Daniel Mayer, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. I'm not one of those great people in the world that they know the answer to everything and they can do it themselves. I don't belong to that. I'm sorry, maybe it's better that way, but I always work with people. Je ne suis pas un tel génie pour prendre seul mes décisions. J'ai toujours eu des amis avec lesquels je travaille. Et nous avons toujours discuté de tout. Tantôt nous sommes du même avis, tantôt d'avis contraire. C'est sans importance, non. Je ne suis pas un de ces grands de ce monde qui portent en eux toutes les réponses, qui n'ont besoin de personne. J'en suis navré. Mais après tout, c'est peut-être mieux ainsi. C'était aujourd'hui les 3e et 4e volets diffusés la première fois les 14 et 15 décembre 1977. Gave me, touched my heart and went right through. Now I can't tell you why, I only know that I fell helplessly in love with you. Maybe it's because the song we danced to tell a story old and new. I can't figure out just why it came about or how I fell in love with you. I could say you grand, and therefore I care for you so. But there is a why and wherefore, and I'd like to know. Bubble goes in. Now maybe it's because the star I wished on made a certain wish come true. It just could be that you were meant for me, and maybe I was meant, oh baby, meant for you. Just could be that you were meant for me, and baby, baby, those bubbles that did it all, bubbles that for you.